L'aube spirituelle. Quand chez les débauchés l'aube blanche et vermeille entre en société de l'idéal rongeur, par l'opération d'un mystère vengeur, dans la brute assoupie, un ange se réveille. Des cieux spirituels, l'inaccessible azur, pour l'homme terrassé qui rêve encore et souffre, s'ouvre et s'enfonce avec l'attirance du gouffre. Ainsi, chère déesse, être lucide et pur, sur les débris fumeux des stupides orgies, ton souvenir plus clair, plus rose, plus charmant, à mes yeux agrandis voltige incessamment. Le soleil a noirci la flamme des bougies. Ainsi, toujours vainqueur, ton fantôme est pareil, âme resplendissante, à l'immortel soleil.